Et tout de suite, c'est qui ou quoi sur Radio Du. Sur Radio Duo, une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Ce soir, pour cette 13e émission de l'année 2018-2019, je vais vous parler de trois livres, une biographie, un livre qui n'en est pas vraiment un et une BD. Des livres parus pour certains en 2018, des work in progress finis en 2018 et même un livre paru en 2013. Niveau contenu, il y a de l'horreur, de la science-fiction et même de la sociologie. Bref, c'est assez éclectique. Donc, ce soir, je vous parle de Peur de Dario Argento, de Fantasy stellaire de Tara King TH et Dominique Paturel, et de Riche Pourquoi pas toi de Marion Montaigne et Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson. C'est parti! Le premier livre dont je vais vous parler ce soir s'appelle donc Peur de Dario Argento. C'est donc l'autobiographie de Dario Argento et c'est paru chez Rouge Profond. Rouge Profond, c'est un éditeur spécialisé plutôt dans le cinéma, qui cite d'ailleurs David Lynch dans la présentation de sa maison d'édition, et qui est responsable par ailleurs de recueils des rééditions de Midi Minuit Fantastique, une mythique revue de cinéma de genre, et de plein d'autres livres de cinéma. Donc voilà pour le rapide présentation de la maison d'édition. Moi ici, donc je ne vais pas vous parler des différents recueils de revues qu'ils éditent ou des choses comme ça, je vais vous parler donc de l'autobiographie de Dario Argento qui s'appelle Peur et qui est sortie à courant de l'année dernière. Dario Argento, qui est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a sûrement, c'est un réalisateur italien qui a commencé à œuvrer dans les années 70. Et qui continue à œuvrer aujourd'hui, même s'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus discret et beaucoup moins en vue. Au tout départ, c'est un réalisateur de Giallo. Le Giallo, c'est des films policiers typiques des années 70 en Italie. Je ne vais pas vous faire l'historique du genre parce que ce n'est pas vraiment le propos dans cette émission. Et puis, il est aussi connu pour avoir fait des films d'épouvante. C'est un peu le maître, on le présente souvent comme le maître de l'horreur et de l'épouvante et de l'angoisse. Il est auteur, parmi ses films les plus connus, il y a Suspiria, il y a aussi les Frissons de l'angoisse, et c'est un auteur vraiment mythique de films d'horreur, s'il en est. En tant que fan de films d'horreur et de films de genre ayant grandi dans les années 80, moi j'ai toujours entendu parler des films de Dario Argento. Suspiria par-ci, Suspiria par-là, etc. Alors il se trouve que j'en ai vu un, je m'en souviens d'au moins un, mais comme ça m'avait pas plu, je ne saurais même pas vous dire lequel. Quand on voit des extraits à la télé ou sur internet de films de Dario Argento, on ne peut en fait qu'être charmé par l'extrême beauté des plans, l'extrême beauté de la construction des plans des films. Tous les meurtres sont extrêmement bien mis en scène, chaque plan est un peu une peinture. Et même si ce premier film que j'avais vu de lui m'avait semblé complètement bis sans intérêt. Je me suis toujours dit qu'un jour je réussirais à trouver une porte d'entrée à son œuvre, que je réussirais à tomber dedans. Tout le monde aime Dario Argento, enfin dans les fans de films d'horreur dont je me considère faire partie. Donc je me suis dit que je finirais par trouver une porte d'entrée et moi aussi je deviendrais fan. Et quand en 2018 est sortie cette biographie, je me suis dit, bah allez, laissons-nous tenter. Peut-être que cette porte d'entrée, ce sera cette fameuse biographie. Eh bien, que vaut donc cette biographie ? Je vais le résumer assez rapidement. C'est pas encore aujourd'hui que je vais trouver la porte qui me fera aimer Dario Argento. Autant vous dire que, même depuis que j'ai lu le livre, j'ai encore moins envie de voir un film de Dario Argento. C'est dommage parce que vraiment, ça m'aurait plu de me plonger là-dedans. Et en fait, je vais vous dire ce qui m'a déplu dans cette autobiographie. Déjà, la première chose qui est un petit peu difficile, c'est l'écueil de pas mal d'autobiographies. Les trucs dont on a peur quand on voit une autobiographie sur un stand de librairie de, par exemple, Patrick Sébastien. Et ben là, c'est un petit peu pareil. C'est que la première chose, c'est que c'est mal écrit. Enfin, c'est pas que c'est mal écrit, le style est pas vraiment horrible, mais c'est que c'est extrêmement neutre et qu'il n'y a pas vraiment de plaisir à lire quelque chose comme ça. Si ce n'est si ça avait été bien construit, mais justement, c'est mal construit. Dans le livre, il y a plein de moments où il nous dit « Ah, je vous ai déjà parlé de ça !» Mais en fait, non, il nous en a pas parlé. Il a parlé à quelqu'un d'autre de ça, sûrement, plein de fois. Mais en tout cas, nous, dans le livre, il n'en a jamais parlé. Un exemple, il dit qu'il a extrêmement de mal à dormir avec quelqu'un. Et que ça lui pose énormément de problèmes dans sa relation avec les filles, parce qu'en fait, quand il dort avec quelqu'un, il a peur que cette personne se lève la nuit et l'égorge. Mais en fait, quand il le présente, il dit comme s'il nous en avait déjà parlé, sauf qu'il en a jamais parlé, quoi. Résultat, tous ces trucs arrivent au fur et à mesure, et comme il n'y a pas de construction, on n'arrive pas à rentrer dedans, on n'arrive pas vraiment à s'intéresser à lui, et encore moins à ses œuvres, parce qu'il ne donne pas envie, quoi. Il ne donne pas envie de voir ses films. En fait, j'ai une comparaison, parce que pour moi, il y a une autobiographie qui est particulièrement réussie. C'est l'autobiographie d'un groupe de hard rock qui s'appelle Motley Crue. Je ne suis absolument pas fan de Motley Crue, mais tout le monde avait tressé des lauriers à cette autobiographie et finalement je l'avais lu. J'en ai jamais parlé dans l'émission, mais c'est vraiment un de mes livres préférés, en tout cas à propos de groupes de musique. Et justement, Motley Crue, quand j'ai lu leur autobiographie, c'est pas non plus de la grande littérature, mais c'est extrêmement bien fichu, extrêmement bien construit, extrêmement prenant, extrêmement haletant, et puis il y a des rebondissements, etc. Toujours est-il qu'à la moitié, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est le meilleur groupe du monde, c'est génial. Donc j'ai écouté, et puis en fait, non, c'était horrible, donc je vais plus jamais réécouter Motley Crue. Mais aujourd'hui, ce Dirt, là, c'est devenu une espèce de pierre angulaire dans ce que j'attends d'une autobiographie. Et c'est vrai que je m'attendais à ce que Peur, j'avais aussi entendu des lauriers sur ce livre, etc., sur le maître de la peur qui dévoilait enfin ses secrets, etc. Mais en fait, j'ai rien trouvé de tout ça. Et puis, pire que tout, je vous dis, j'ai absolument pas eu envie de me plonger dans son monde, dans son univers. En fait, le problème de ce livre, c'est que c'est un livre pour fans. C'est vraiment un livre pour fans, mais en plus pour fans pas trop exigeants, quoi. Juste pour ceux qui ont envie de partir à la recherche peut-être d'anecdotes inédites, et encore que j'imagine que les fans savent, par exemple, qu'il a participé à l'écriture d'Il était une fois dans l'Ouest. Moi, je le savais pas, je l'ai appris, mais j'imagine que les fans le savent depuis longtemps. Et je pense vraiment que niveau anecdotes et niveau sur son travail et sur plein de choses comme ça, je pense qu'on en apprend plus dans ses interviews. Après, peut-être qu'il a jamais fait d'interview, mais ça, j'en sais rien. Il reste quand même quelques moments qui sont très attachants dans le livre, des petits bouts auxquels se raccrocher quand on passe d'un film à l'autre. Et je peux pas m'empêcher de vous raconter l'anecdote qu'il raconte à propos de son premier film, parce que celle-là, elle m'a vraiment touché, et elle correspond un peu à ce que j'attends, moi, enfin, d'une histoire comme ça, et puis aussi, ça correspond à pas mal à ce que je pense de l'histoire d'un film, de tout ce qu'il peut y avoir derrière. C'est quand il a sorti son premier film, en fait, il a fait son premier film, il était mauvais, il le dit lui, hein, il dit qu'il était très inexpérimenté, en tout cas. Et les producteurs qui ont cru en lui, et se sont retrouvés à mettre de l'argent dans un film qu'ils allaient réaliser. Et en fait, plus le film avançait dans sa réalisation, plus ils ont été persuadés que ce serait une grosse merde. Et quand le film a été fini, et ils ont ce film qui plus tard a été un énorme succès, hein, je vous dis la fin, mais ce film qui a été un énorme succès et qui a lancé la carrière de Dario Argento, mais quand le film a été montré à ses producteurs pour la première fois, en fait ils se sont tous levés en silence et puis ils sont sortis en étant persuadés d'avoir vu le pire film qu'ils avaient financé de toute leur vie, quoi. Donc avec la certitude de jamais le sortir en salle, qu'ils avaient juste perdu de l'argent et puis point barre, quoi. Et en fait, à ce moment-là, Dario Argento était représenté par son père dans la salle. Et quand tous les producteurs exécutifs sont sortis, il s'est dit « bon, c'est peut-être ça va l'air mort, quoi ». Et en fait, il s'est tourné et il y avait la secrétaire du directeur du producteur qui était là et qui bougeait pas. Et donc, il est allé la voir et puis il s'est approché et il s'est rendu compte qu'elle tremblait et qu'elle était complètement terrifiée, quoi. Et il lui dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui se passe? Et elle a dit, mais en fait, je peux pas bouger, j'ai trop peur. J'ai trop peur, le film m'a terrorisé, je ne peux plus bouger. Le père, alors, s'est emparé complètement de la chose. Il dit, est-ce que vous seriez d'accord pour me le répéter au producteur? Elle accepte, il l'a emmené voir les producteurs qui étaient à côté en train de se dire, bon, ça y est, on a perdu de l'argent, etc. Il a fait répéter aux gens ce qu'il avait dit. Et les producteurs ont regardé, ils ont dit, ouais, ok, très bien, mais... C'est l'avis de la secrétaire, quoi. Et le père de Dario Argento a dit « Non, c'est pas l'avis de la secrétaire, c'est l'avis du peuple. » Et ça les a fait, ça les a poussés à sortir le film qui est devenu un énorme succès, etc. etc. En tout cas, cette scène-là est très très bien retranscrite et c'est très touchant, très plaisant. Enfin, moi en tout cas, elle m'a marqué au fer rouge. Bon, je dis pas que ça justifie de le lire. Mais bon, voilà, il y a quand même des petites fulgurances comme ça dans le livre. En tout cas, voilà, Peur de Dario Argento, c'est for fans only, comme on dit. Il devrait peut-être y avoir un autocollant dessus. Mais bon, c'est comme ça. En attendant, on va s'écouter un petit morceau d'une des BO d'un film de Dario Argento. Parce que ça, qu'on les ait vus ou pas, c'est toujours mortel. C'était les Goblins avec le morceau Suspiria tiré de la BO du film Suspiria. On est de retour sur Radio Dio dans Qui ou quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur le 895. Et après vous avoir parlé de Peur de Dario Argento, je vous fais vous parler d'un deuxième livre. Sauf que le deuxième livre de ce soir, eh ben en fait, je l'ai jamais eu dans les mains. Ça va être compliqué, vous me direz, pour vous en parler. Mais eh ben, en fait, ça va quand même pas m'empêcher de vous en parler. Ça s'appelle Fantaisie stellaire par Tara King TH et Dominique Paturel. Fantaisie stellaire, c'est un livre, donc, comme j'ai dit, du groupe Tara King TH. En fait, je ne sais pas comment ça se dit. Vraiment, je ne sais pas comment ça se dit. TH avec un point. En fait, pourquoi je vous ai dit que je ne l'ai jamais eu dans les mains et que, en fait, c'est pas vraiment un livre. En fait, pour ça, je vais vous raconter en fait toute l'histoire de ce Fantaisie stellaire. Au tout départ, donc, il y a un monsieur qui s'appelle Ray Bornéo, qui est un multi-instrumentiste auvergnat, qui sort plein, plein, plein de disques sous divers pseudos. Alors, des disques à tendance cinématique, on va dire, enfin, ambiance cinéma, un peu dans tous les styles possibles, psychédéliques ou pas, etc. Mais dans tous ces pseudos, dans cette pléthore de disques qui sort et dans tous les pseudos qu'il a, il y en a un qui est son groupe pop, et ce pseudo pop, c'est Tara King TH. Donc derrière Tara King TH, il n'y a qu'une seule personne. Et en fait, Tara King TH vont composer, enfin vont, je ne sais pas, en 2017, une pièce interstellaire du nom de Stellar Fantasies. Donc c'est un disque avec que des instrumentaux bien barrés. Espace, avec une pochette qui rappelle un disque de son des années de science-fiction des années 60, rappelant un peu l'affiche de Planète Interdite ou des choses comme ça. Il y a un groupe américain qui s'appelle Manor Astroman qui avait repris exactement le même genre de visuel, donc c'est cette science-fiction des années 60, l'âge d'or de la science-fiction. Et donc, un an après cette Stellar Fantasies est sortie une nouvelle version du disque, mais cette fois sous le nom de Fantaisie Stellaire. Bon, à part le fait qu'on a tous compris que c'était la traduction. Un disque, ben, pas seulement, un disque plus un livre. Et puis, au final, le disque, il y avait le disque qui était pas pareil. C'était la même musique, mais sur cette musique, il y avait un homme qui raconte une histoire. Et cet homme, cette voix qui raconte, c'est pas n'importe laquelle, c'est Dominique Paturel. Dominique Paturel, c'est un acteur français qui est peu connu du grand public, mais dont la voix, elle, par contre, est très connue du grand public, au moins auprès de certaines générations. Car Dominique Paturel, c'est aussi la voix d'Hannibal Smith dans L'Agence au risque, de Jonathan Hart dans L'Amour du risque, ou encore c'est la voix de l'intro du dessin animé Capitaine Flamme. Les années 80, quoi. Et avec ce doublage qui a fortement marqué l'imaginaire de tous les jeunes qui ont grandi à cette période. À cette période, il y avait aussi un truc qui existe beaucoup moins, c'était des livres-disques. Des livres-disques, par exemple, moi j'en ai plein, vu que j'ai grandi dans les années 80, des disques avec le texte et puis le 45 tours à côté, avec des adaptations. Quand j'étais petit, j'en avais une de Star Wars, le Trou Noir, plein de films et puis d'autres histoires. Et on imagine aisément, j'ai même pas regardé, j'ai même pas cherché pour savoir si Ray Bornéo avait mon âge, mais en tout cas, il doit pas être bien loin, il a dû naître au moins dans les années 80. En tout cas, on imagine aisément que Ray Bornéo, avec ce disque Fantaisie stellaire, il ait voulu rendre hommage à une part de son enfance. Il a donc écrit une nouvelle de science-fiction, et puis il a contacté Dominique Paturel et il lui a demandé: est-ce que vous êtes d'accord pour le raconter sur la musique de mon disque Stellar Fantasies? Donc, c'est une nouvelle racontée par cette voix reconnaissable par plusieurs générations. Je vous avoue que moi, j'aime pas forcément aller décortiquer ce qu'il y a derrière un disque. Et je sais pas si, en fait, Ray Borneo, il avait vraiment prévu tout ça. Si, dès le départ, en composant la Stellar Fantasies, il s'était dit « Ah, mais ça, j'ai une histoire derrière, je vais absolument la faire raconter par Dominique Paturel, mais il voudra jamais, alors je vais sortir juste les instrus. » Et puis, en fait, il a sorti les instrus, puis derrière, il a contacté Dominique Paturel. Ou si, en fait, il s'est rendu compte que son disque était très bien et que ce serait bien qu'il pourrait l'adapter pour en faire une espèce de livre-disque comme ça. Mais en tout cas, toujours est-il que le résultat est là et la magie est là. Parce que musique et voix se marient vraiment à merveille. En fait, les plages instrumentales qu'il avait composées donc, enfin, avant se retrouvent en fait quasiment chantées par la voix de Dominique Paturel qui raconte en fait. Alors, c'est une nouvelle, c'est pas un roman. Ça raconte en gros l'histoire d'un astronaute qui se retrouve perdu vers une planète inconnue suite à une tempête cosmique. C'est pas de la grande littérature, la langue ne nous ensorcelle pas comme la musique. Les thèmes abordés ne révolutionnent absolument pas la SF. Les images et le monde qui sont décrits dans l'histoire sont vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, entre le vaisseau qui parle, la tempête cosmique, la planète inconnue, etc. Mais en fait, c'est la somme de tout ça avec les autres aspects de ce livre qui en font la valeur. Des fois on écoute que la musique, d'autres fois on écoute juste le texte et l'histoire, on se laisse porter par l'histoire, des fois on écoute les deux. Et en fait, il y a vraiment une alchimie magique qui se met en place. L'écrin sonore du texte, donc la voix, tout ce qui entoure la voix... C'est plutôt le traitement de la voix, la musique, tout est parfait, vraiment. En fait, moi, j'ai aussi découvert le disque instrumental, donc le Stellar Fantasies, après le disque lu. J'ai d'abord connu Fantasy Stellar avant Stellar Fantasies, et je vous avoue que j'ai trouvé bancal le premier disque, quoi. Tant il manque cette voix et l'histoire qui va avec, qui nous emmène vraiment dans ce voyage stellaire. Ça fait longtemps que j'avais pas trouvé un livre et un disque. Enfin, je sais pas trop en fait comment en parler parce que c'est un peu les deux, avec un titre aussi bien trouvé. Au final, moi j'ai tellement écouté ce livre ou ce disque que je peux dire aujourd'hui, il y a en fait peu de livres que j'ai lus autant de fois. Et vraiment, vraiment, vraiment, je vous encourage à tenter vous aussi l'expérience. C'est pour ça que... je fais des blancs. Enfin, pas vraiment. Mais c'est pour ça que je vais vous en passer un extrait tout de suite. Alors, je vais essayer. C'est parti. Noir. Noir, encore noir. Tout ce que je ressentais, c'était un mal de tête. Je n'avais pas encore ouvert les yeux, mais je sentais que ça ne s'annonçait pas sous les meilleurs augures. L'Astérion se remettait lentement en route. Dans l'éclairage blafard, je distinguais à peine mon équipement de bord. J'avais bien fait de me débarrasser du nouveau modèle d'assistant personnel qu'il m'avait installé. Je ne supportais pas cet implant neuronal qui supprimait toute communication verbale. Andy, l'ancien modèle, parlait, lui. J'étais soulagé d'entendre que mes constantes s'étaient stabilisées depuis mon réveil. J'avais envie de lui répondre, mais rien ne sortait. Ne pouvant pas faire grand-chose contre mon mal de tête, je me suis levé de ma couchette pressurisée et j'ai ajusté mon uniforme. En passant la main sur mon épaule, j'ai senti les bandes patronymiques et les décorations incrustées dans l'étoffe. Ce geste anodin me rappelait à chaque fois qui j'étais et d'où je venais. Je suis officier de transport à bord de l'Astérion, en route vers le plus éloigné des spatioports. Navigation, télémétrie, propulsion, radar, Les données de bord étaient complètement incohérentes, inquiétantes même. Je réalisais doucement que j'étais loin, loin du là-bas escompté, mais que cet ici m'était étrangement familier. Et maintenant, je me décidais à faire le tour du propriétaire. Comme tout pilote de mon rang confronté à l'immensité sidérale, j'avais pris l'habitude de me repérer à l'aide de toutes petites choses, un peu comme un bédouin dans le désert qui sait exactement où il se trouve malgré la tempête de sable imminente. J'avais peu à peu développé la capacité de me repérer dans les trois dimensions. Mais là, en plus de mon mal de crâne, quelque chose clochait. Aucun repère possible. Aucune donnée nouvelle ne parvenait à entrer ou à sortir. J'étais bloqué avec des données de bord non mises à jour. L'Astérion s'était placé en orbite géostationnaire autour d'une lune. Mais le vaisseau était plongé dans l'ombre de la planète la plus proche, une éclipse partielle. Drôle de configuration pour se réveiller. Je ne pouvais encore qu'observer. Les senseurs avaient tous viré au rouge et je comprenais enfin ce qui se passait. Un orage, en provenance d'un des soleils voisins, allait s'abattre. Dans l'ombre de la planète, son arrivée était restée indétectable. C'était donc Tara King TH et Dominique Paturel avec le morceau Réveil en orbite sur le disque Fantaisie Stellaire. On est de retour pour la dernière partie de Qui ou quoi sur Radio Dio, l'émission donc Qui ou quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur le 89.5. Le dernier livre de ce soir, il est un peu comme à chaque émission, issu de la BD Tech idéale de Qui ou quoi. Cette fois, ça s'appelle « Riche, pourquoi pas toi ?» de Marion Montaigne et qui a basé sa BD sur les écrits de Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, les fameux sociologues qui s'ingénient à faire la sociologie de des riches. Et ça parle de quoi, à votre avis ? Eh bien, ça parle des riches. J'ai déjà parlé de Marion Montaigne dans une vieille émission de Qui ou quoi à propos de sa BD sur Thomas Pesquet qui s'appelait Dans la peau de Thomas Pesquet, je crois. Que j'avais beaucoup aimé, bon, apparemment pas assez pour me souvenir du titre aujourd'hui, mais j'avais beaucoup aimé au point de vous en parler à la radio. Je me souviens peut-être pas du titre, mais je me souviens de pas mal de choses dans le contenu. Et bien, cette BD sur Thomas Pesquet m'a mené à celle-ci, qui est beaucoup plus ancienne, qui date de 2013, donc quasiment 6 ans, et qui est publiée chez Dargo, et qui, à l'époque, était complètement passée sous mon radar. Marion Montaigne, pour mémoire, c'est une dessinatrice de bande dessinée, qui a commencé, en fait, avec un blog, sur lequel elle dessinait de la vulgarisation scientifique tous azimuts. Les blogs BD, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui, c'est une espèce de feu de paille qui s'est éteint aujourd'hui en même temps que le format blog qui est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins populaire. Aujourd'hui, avec Instagram et Facebook, les blogs n'existent plus. Enfin, il y en a encore quelques-uns, mais c'est beaucoup, beaucoup moins populaire. Et les dessinateurs de BD blog n'existent enfin pas plus mais en tout cas beaucoup beaucoup moins, ils ont maintenant un peu pignon sur rue et il y a des BD qui sortent à la place. Toujours est-il que Marion Montaigne, elle, s'était émancipée de ce format via le choix de ses thèmes, en fait, des thèmes traités, là où l'immense majorité des BD blogs traitaient du quotidien, genre comment je vais faire pour où est-ce que je mets le porte-gobelet, est-ce que le porte-gobelet de ma voiture est bien conçu, un peu comme une chanson de Benabar, quoi. Elle, en fait, elle s'attaquait à des vrais thèmes scientifiques, et puis elle décortiquait le tout, un peu en mode c'est pas sorcier, mais en bande dessinée, et assez réussi. Donc loin des canons du genre. Elle s'est fait connaître ensuite, justement, via sa série Tu mourras moins bête, dans laquelle elle traite. introduite le personnage du professeur Moustache qui traite justement des questions scientifiques. BD qui aura tellement de succès qu'elle sera ensuite adaptée en dessin animé sur Arte. Et en parallèle de tout ça, eh ben, elle a fait cette bande dessinée, Riche, pourquoi pas toi, qui, elle, va pas s'attaquer à de la science dure, comme on dit, mais qui va s'attaquer aux travaux des sociologues Pinson-Charlot, qui va essayer de vulgariser leurs travaux. Et, une fois de plus, c'est réussi. J'ai ri, et puis ça m'a un peu fait passer la pilule de tout ce que j'ai appris dans la BD, qui m'a quand même également vachement plombé. Tout d'abord, il y a une chose, c'est que donc il peut y avoir une méprise sur le titre. Donc Riche, pourquoi pas toi, c'est pas du tout une bande dessinée qui va nous apprendre à devenir riche en fait. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas tout ça, enfin n'achetez pas ça en vous disant c'est bon, après ça je serai riche. C'est pas du tout ça dont on parle. Cette BD, elle décrit en fait le monde de Riche et toute la sociologie qui est derrière. En fait, elle nous apprend à faire la différence entre avoir de l'argent et être riche, ce qui est vraiment, vraiment différent. L'exemple qui m'a marqué depuis que j'ai lu cette bande dessinée et que je ressors un peu à tout va, c'est que, par exemple, quand on gagne au loto, on a de l'argent. Mais quand on a de l'argent depuis plusieurs générations, là, en fait, on est riche. Et je sais qu'il y a plein de livres sur la sociologie de la classe ouvrière, mais en fait, il n'y a que les Pinson-Charlot qui s'ingénient à écrire, eux, sur la sociologie de la classe des riches. Je ne sais pas comment les appeler autrement. Et c'est vraiment de ça dont ça parle. Avoir de l'argent, c'est vraiment une chose, mais être riche, c'est une construction sociale et qui ne se fait pas en jouant au loto. Et je vous avoue que, même si je l'ai lu en deux fois, parce que je l'ai eu une première fois dans les mains et après j'ai dû la re-avoir dans les mains, que c'est tellement intéressant que, bon, bah déjà, c'est sûr que ça donne envie de lire les livres des Pinson-Charlot, mais c'est intéressant, et rien que cette petite BD, elle est claire pour comprendre le monde d'aujourd'hui et ce qui se passe dans le monde capitaliste et surtout ce vers quoi tout le monde essaye de courir, avoir de l'argent, etc., etc. En tout cas, c'est ce que je me suis dit après avoir lu ce livre, que au final, je comprenais un petit peu mieux le monde qui m'entourait. Et résultat, donc, ce livre m'a énormément plu. Alors bien sûr, on pourra toujours reprocher à Marion Montaigne son dessin, qui n'est pas extrêmement beau, c'est pas du Moebius, c'est pas du Van Gogh, c'est entre le dessinateur Jules, pas le rappeur, le dessinateur, et puis un petit peu Razer, mais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins stylé, enfin stylisé, on va dire. Mais bon, Marion Montaigne, elle est drôle et elle sait rendre vraiment les discours scientifiques les plus rébarbatifs, et la sociologie en fait partie, parce que ça peut être vite jargonnant et un peu ennuyeux. En tout cas, elle sait rendre les discours scientifiques les plus rébarbatifs clairs et limpides. Et ça, c'est un tour de force. Je ne peux pas m'empêcher non plus, une fois de plus, pour les autres livres non plus, de vous raconter en fait ce qu'ils expliquent sur les gagnants du loto. Les gens ne sont pas prêts à gagner au loto. Parce que une fois qu'ils ont gagné au loto, et ben en fait ils ne savent pas quoi en faire. Est-ce qu'ils doivent arrêter de travailler du jour au lendemain ? Est-ce qu'ils doivent le dire ou est-ce qu'ils doivent pas le dire ? Et qu'en fait, quand on gagne au loto, en fait, la Française des Jeux, elle donne un livret qui est en deux parties. La première partie, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre argent, le faire fructifier, le placer, etc. Et la deuxième partie, c'est attention à la dépression, en gros, quoi. C'est pas écrit comme ça, mais c'est faites attention, là vous allez vous retrouver dans un truc, vous ne savez pas où vous mettez les pieds en fait, vous n'êtes pas prêt sociologiquement, vous n'avez pas les armes pour faire face à votre richesse. Et c'est marrant parce que j'en ai beaucoup parlé autour de moi, et souvent les gens, ils me renvoient un truc direct, non, c'est pas vrai, moi de toute façon je sais très bien ce que je vais faire si je gagne au loto. Et en fait, ça m'embête parce que ou je m'exprime mal, ce qui est fort possible, parce que quand je le raconte sûrement pas aussi bien. Mais en tout cas, ça m'a d'autant plus me rendre compte que c'est d'autant plus nécessaire de lire le travail des pinceaux Charlot pour qu'on puisse faire évoluer en mieux la société. Et lire ce travail, que ce soit en livre ou en BD, bon bah là, je vous ai donné les références d'une BD, mais vraiment, lisez-la. Voilà, l'émission touche à sa fin. Alors, bon, je ne sais pas si ça s'est entendu. J'ai un peu changé des choses dans ma façon de gérer l'émission. C'était un peu une première. Je me suis un peu retrouvé comme le premier jour où j'ai fait une émission. Bon, j'espère que ça vous a quand même plu et que je vous ai un petit peu donné envie de lire les trois livres, lire ou écouter, les trois livres dont je vous ai parlé. Je vous rappelle donc que je vous ai parlé de Peur de Dario Argento. En même temps, bon, celui-là, si vous voulez le lire, c'est vraiment que vous êtes fan. Pour les autres, ben, essayez d'être fan avant de le lire. Le Fantasy Stellaire, qui est donc un livre CD, vous pouvez l'écouter avant de le lire avant de l'écouter, mais bon, ça, il faut le commander sur Internet via le label. Donc, Fantasy Stellaire de Tara Kinteh. Et puis, le dernier, Riche Pourquoi Pas Toi, de Marion Montaigne et Monique Charlot-Pinson et Michel Pinson, chez Dargo. Pour réécouter l'émission, si vous manque une référence, eh ben, il y a tous les podcasts sur le site de Radio Dio. Nous, vous pouvez réécouter les anciennes émissions, mais nous, on se retrouvera donc dans 2 semaines. Je ne serai sûrement pas seul, il y aura sûrement Vincent avec moi. On vous parlera de livres divers, comme aujourd'hui, à lire avant d'aller vous coucher, ou demain, en fin de journée, enfin, quand vous voulez. Merci d'avoir écouté l'émission. Comme à la Radio Dio, après 10h sur Radio Dio. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines. La semaine prochaine, Radio Gaga, ici, à la même heure. Ghetto Vibes avant, comme toutes les semaines, etc. Bonne soirée et à bientôt. About Alibaba with the 40 thieves. Tom, the Piper's son, he was there with me. I rode through a valley with a princess by my side. The Duke and the Duchess was there to meet me with a smile. Alice was there in Wonderland, staring far away. The tree blind mice was there with me to tell the teddy bear the tale. The teddy bear came smiling there with a big smile. The little bo peep has lost her sheep last night. Dream last night about Alibaba with the 40 thieves. Tom, the Piper's son, he was there with me. I rode through the valley with the princess by my side. The Duke and the Duchess did a reggae.